Après s'être fait remettre les deux billets, Don Salluste fait revêtir à Rublas une écharpe à laquelle pend une épée, le couvre d'un chapeau et lui met sur le dos son propre manteau au moment où apparaît un autre grand d'Espagne. Faisant passer Rublas pour son cousin Don César, Don Salluste le présente ainsi à toute la cour. Après le passage de la reine, Don Salluste, avant de s'exiler, ordonne à Rublas de plaire à cette femme et d'être son amant.